majeur que tu méprises quand il s'installe près de ta maison. En cinq petites minutes de ton temps si précieux pour admirer leur bohème et leur périple merveilleux. Les caravanes s'en vont et vont faire des kilomètres à travers monts et forêts, bois et rivières et plaines et mers. Les gitans sont heureux car de leur vie ils sont les maîtres. Et bien qu'en vivant sans sous, ils vivront bien mieux que nous. Avec mes potes, mon sac à dos et mon accordéon, et nos pas sûrs et certains nous mèneront vers les chemins, ceux de la liberté, ceux que tout le monde a oublié. Nous partons les demain, juste avant l'aurore, goûter tous les embruns jusqu'au fond des ports. Nous irons prendre un verre dans ce joli troquet, une gorgée de liberté que je trinquerai à ta santé.